Deuxièmement, privilèges. Il nous faut maintenant parler de deux privilèges de la ville, fort inégaux en importance, mais qui lui furent également chers, le droit de députation aux États et le jeu du papegot. Députation aux États. Il n'est pas douteux que certaines villes ont député aux États avant d'être communautés. Concarneau fut-il de ce nombre ? Ce n'est pas probable. Nous ne le voyons apparaître aux États que peu avant l'année 1600, et avant cette époque, il avait la communauté. Les trois États sont mentionnés pour la première fois dans un procès-verbal de 1309, mais Lobineau et Maurice semblent croire que les villes avaient paru aux États avant cette date. Depuis, on les y voit en 1315, 1352 et plus fréquemment après l'avènement au trône de Jean de Montfort. Dès cette époque, l'importance politique des villes de Bretagne, c'est-à-dire du tiers-État breton, est attestée par le roi Charles V. Cette importance augmente au XVe siècle. En 1408, 23 villes sont nommées. En 1451, 1455, 1462, il y en a 25. Et ces listes ne sont pas complètes. Il en est ainsi jusqu'à 1567, année où commence la collection des procès-verbaux des États. Dom Maurice a essayé de combler ces lacunes et il a dressé deux listes. La première comprend les noms des villes ayant député avant 1600. Concarneau figure sur cette liste. En 1614, le roi Louis XIII et la reine régente vinrent ouvrir les États à Nantes, et les États demandèrent qu'il fût fait un rôle des villes ayant droit de députation. Le rôle comprit 42 villes, au nombre desquelles Concarneau. Le 6 juin 1667, un arrêt du Conseil fixa la liste des communautés ayant revenu d'octroi et députant aux États. Il apporta quelques modifications à la liste de 1614. Concarneau figure sur les deux listes et sa place aux États ne lui sera pas ôtée. Ce chiffre de 42 villes ne sera pas modifié, mais l'ambition du tiers est d'obtenir une représentation égale en nombre à celle de la noblesse. Ce rêve ne se réalisera pas, mais le nombre des députés des villes augmentera pendant que diminuera le nombre des nobles siégeant aux États. Ainsi, un peu après 1667, 5 villes obtiennent un second député. Rennes d'abord, puis Nantes, Vannes, Saint-Malo et Morlaix. Le nombre des voix du tiers monte de 42 à 47. En même temps qu'il obtenait une augmentation du nombre de ses représentants, le tiers poursuivait la réduction du nombre des nobles. Les intendants de Bretagne secondaient ses visées, le pouvoir n'y était pas opposé. Et pour ce motif, c'est que la noblesse défendait avec plus de vigueur que personne les privilèges de la province et s'opposait à la création de nouveaux impôts. C'est seulement à partir du milieu du XVIIe siècle que les nobles vinrent en grand nombre aux États. De 1689 à 1717, on en compte de 300 à 600. La noblesse reconnaît qu'une telle affluence produit quelque désordre. Peut-être estime-t-elle que les anoblis récents y sont trop nombreux. Sur une motion émanée de la noblesse en 1717, les États décident que seuls les petits-fils des anoblis siégeront avec les nobles. Confirmant cette décision, en 1736, 26 juin, une déclaration du roi fixe pour l'entrée aux États 100 ans de gouvernement et de partage noble et 25 ans d'âge. C'est d'après ces règles que les nobles, réunis à Saint-Brieuc en 1789, se trouvèrent au nombre de 863. Il n'est pas douteux que dans des circonstances moins graves, ils auraient été moins nombreux. Quel était à ce moment le nombre des représentants du tiers ? Aux États ouverts à Rennes, le 22 décembre 1788, le tiers demande encore une augmentation de voix. Un arrêt du Conseil est rendu le 20 janvier 1789, approuvé par le roi, qui accorde 2 députés en plus à chacune des 42 villes. Le chiffre de 84 surajouté portait le nombre des députés à 131. Ajoutons que le mode d'élection était changé. Les députés, au lieu d'être choisis par la communauté, devaient être élus par les habitants. Si les États s'étaient réunis, il y aurait eu 131 députés du tiers en présence de 900 au plus des corps privilégiés. Quelques mois après, des élections allaient se faire pour nommer des députés non plus aux États de la province de Bretagne, mais aux États généraux du royaume. La noblesse et le haut clergé se réunirent en une assemblée unique à Saint-Brieuc. Le bas clergé s'assembla en chacun des 9 diocèses. Le tiers fut convoqué au chef-lieu de 13 bailliages, entre lesquels furent arbitrairement répartis les ressorts des 25 sénéchaussées royales de la province. Le bas clergé avait à nommer 22 députés et le tiers 44. Quimper et Concarneau réunis nommèrent 3 députés. Messieurs Le Déan, Le Goiseret de Kervélégan, Le Guillou de Kerincoeuf, avec 2 suppléants, Messieurs Morineau et Tréhaut de Clermont. Pape Gaud. Au Moyen-Âge, en cas d'alerte, les habitants des places combattaient avec la garnison. Il fallait donc que l'arc, et plus tard l'arbalète, ne fussent pas en leurs mains des fardeaux inutiles. Depuis le XIVe siècle au moins, les habitants tiraient de l'arc. Cet exercice devint pour eux une obligation après la création en 1425 des milices paroissiales qui devinrent les bons corps. Dès cette époque, les tireurs ne faisaient-ils pas leur apprentissage au jeu du pape Gaud ? Le pape Gaud était un oiseau de bois ou de carton peint, auquel on tirait à l'arc d'abord, puis à l'arbalète. Et quand les armes à feu eurent remplacé les armes à cordes, on tira à l'arquebuse et enfin au musquet. On a écrit « L'institution du pape Gaud en Bretagne remonte au XVe siècle ». François II, par une ordonnance de 1483, l'établit à Nantes, Rennes et Saint-Malo. La vérité est que le pape Gaud existait près de 100 ans auparavant, en 1398, à Quimperlé. Nous le trouvons en faveur à Vannes en 1455, et l'ordonnance nous le montre en grand honneur à Nantes même, longtemps avant 1482. Elle est rendue en réponse à une requête de nombre de bourgeois fréquentant le jeu d'arc, à chacune fête, dimanche, en faveur du « roi des archers » qui, par la coutume du dit jeu, en chacun an, est fait au mois de mai, en abattant d'un coup de flèche une enseigne d'oiseau nommée « pape Gaud » assis sur une haute tour de notre ville, etc. L'abatteur avait déjà, comme on voit, le titre de « roi ». L'année de sa royauté révolue, il aura le titre d'ancien roi et jouira de quelques prérogatives. Il donnera son avis sur la bonne confection, sur le loyal abat du pape Gaud, etc. Le tir solennel du mois de mai est un concours. Tout concours suppose un exercice préalable et François II nous apprend que cet exercice se faisait continuellement à chaque fête, avant même que l'abatteur eût aucun privilège. Nous avons dit plus haut que le duc Jean V, conseillé par son frère, le connétable de Richemont, créa les milices paroissiales, 1425. L'ordonnance du duc suppose que beaucoup savent tirer de l'arc. Il importait que tous en fissent l'apprentissage. Nul doute qu'à partir de cette date, les ducs n'aient créé des papes Gaud en nombre de villes, surtout aux places maritimes ou frontières. On ne peut douter qu'à ce double titre, Concarneau n'ait eu très anciennement son pape Gaud. Dans le mandement de 1451, le duc Pierre II rappelle que, pendant la guerre de Cent Ans, les habitants de Concarneau se sont souvent armés pour faire résistance aux Anglais. Comment leurs services auraient-ils été utiles si les habitants n'avaient pas su tirer de l'arc ? Voici, je crois, une autre preuve de l'ancienneté du pape Gaud. C'est le sénéchal qui, sur le rapport des chevaliers du jeu, déclarait l'abat du pape Gaud bien et dûment fait, proclamait le roi et le mettait en possession des émoluments attribués à l'abatteur. Le tir du pape Gaud était, comme nous dirions aujourd'hui, une affaire municipale. Du pouvoir attribué au sénéchal, ne peut-on pas conjecturer que le pape Gaud a précédé la création des communautés urbaines ? Or, en grand nombre, elles sont antérieures à 1450. L'ordonnance de 1482 ne marque donc pas la date de la première institution du pape Gaud en Bretagne, mais elle semble avoir innové en accordant au roi, pour l'année de sa royauté seulement, exemption de toute taille, aide, emprunt, etc., et de guet, garde de porte et autres subsides et subventions personnelles. En outre, le duc lui donne l'impôt de 20 pipes, 40 barriques de vin nantais qu'il fera vendre en détail dans sa maison ou autre maison de la ville. Deux observations. Premièrement, François II n'exempte que le vin de Nantes, vin breton payant beaucoup moins cher que le vin étranger importé en Bretagne. Nous ne voyons pas ailleurs cette restriction imposée à l'abatteur. Deuxièmement, l'exemption des tailles, aides, etc., impôts variables, cessera bientôt. mais elle sera compensée avec avantage pour l'abatteur par une exemption bien plus large des droits sur le vin vendu au détail. François II compte par pipe, les rois de France, ses successeurs, compteront par tonneau. Au XVIe siècle, après la réunion de la Bretagne à la France, il fut fait, au point de vue des finances sans doute, une recherche des lettres autorisant le pape Gaud. Or, plusieurs villes les avaient perdues. Elles firent sans peine la preuve de l'usage. L'usage fut pris pour la preuve du droit et les rois de France accordèrent très libéralement des autorisations. On a écrit « Henri II, Charles IX, Henri III, encourage le pape Gaud », mais en paroles seulement. Mais les villes savent faire de larges sacrifices en sa faveur. Les faits démontrent au contraire de la part des rois une extrême libéralité que la Cour des comptes et le Conseil d'État trouveront excessive, et de la part des communautés unies aux fermiers des impôts, une rapacité insatiable et une honteuse lésinerie. Faut-il des exemples de la libéralité royale et de la rapacité des fermiers de l'impôt ? Nous les trouvons à Concarneau. En septembre 1557, Henri II accorde à cette ville le droit de pape Gaud par des lettres ainsi relatées dans un arrêt du Conseil du 27 juillet 1671. Permission aux habitants de Concarneau de tirer tous les ans, au mois de mai, au jeu du pape Gaud de l'arquebuse, et de vendre par celui qui l'aurait abattu la quantité de 30 tonneaux de vin en ladite ville ou autre lieu que bon lui semble roi en la juridiction d'Issel, francs et exempts de tout droit d'impôts et de billots, lettres vérifiées en la dite chambre des comptes pour l'exemption de 25 tonneaux de vin seulement. Une exemption de droit sur 30 tonneaux ou 120 barriques n'est pas un mince avantage. La Cour des comptes le juge excessif et réduit à 25 tonneaux ou 100 barriques. Mais, sans parler du titre et des honneurs de roi, l'exemption même réduite récompense royalement l'adresse de l'abatteur. Mais à quelle somme en monnaie actuelle peut s'évaluer ce prix ? Les éléments d'un calcul exact nous font défaut. Procédons par approximation, disons mieux par comparaison. Le pape Gaud de Concarneau a les mêmes privilèges que le pape Gaud de Quimper. Exemption sur 30 tonneaux, 120 barriques, réduite à 25 tonneaux, 100 barriques. Or, nous sommes renseignés en ce qui concerne Quimper. En 1594, pendant les troubles, Quimper saisit l'occasion de supprimer le tir du pape Gaud pour unir à ses finances, c'est-à-dire confisquer à son profit, les émoluments du pape Gaud. De ce chef, le miseur porte à son compte une somme de 600 livres, soit aujourd'hui 3169 francs au minimum. Mais, disons-le tout de suite, en 1671, nous allons voir l'exemption sur 25 tonneaux réduite à 15 tonneaux. Il nous faudra donc réduire nos chiffres des 2/5, 240 livres. Il restera seulement 360 livres ou 1901 francs. Au début du XVIIe siècle, bien que devenus moins utiles, les exercices du pape Gaud étaient encore en grande faveur lorsque par édit de 1605, Henri IV les supprima pour unir leurs exemptions d'impôts au trésor royal. Le Parlement de Bretagne refusa l'enregistrement de l'édit, les États protestèrent et une déclaration de mars 1606, interprétant, ou plus exactement retirant l'édit, rétablit le jeu, mais à l'arquebuse seulement. L'arc et l'arbalète étaient passés de mode. Au milieu du XVIIe siècle, le pouvoir royal demanda encore aux villes la justification de leurs droits au pape Gaud. 37 villes produisirent les lettres du duc François II, 1482, et des lettres confirmatives ou non des rois François Ier, Henri II, François II, Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII, et même une de Louis XIV faisant preuve du droit. Concarneau produisit non les lettres mêmes de Henri II que la ville crut peut-être prudent de garder, mais l'expédition authentique dont nous avons parlé plus haut. Par arrêt du 27 juillet 1671, le Conseil d'État admet les productions de 36 villes, y compris Concarneau. Mais il réduisit presque toutes les exemptions, notamment celle de Concarneau, à 15 tonneaux. C'était la moitié de l'exemption accordée en 1557, déjà réduite à 25 tonneaux, par la Cour des comptes. Après l'arrêt de 1671, on voit en plusieurs villes l'abatteur traitant avec les fermiers des devoirs pour une somme de 300 ou 350 livres, environ 1000 ou 1150 francs, marché lésionnaire auquel l'abatteur se soumet par peur du procès dont le fermier le menace. D'autres vendent leurs droits à un cabaretier qui, encouragé par le fermier, le paiera à un prix dérisoire. Mais bientôt, les chiffres indiqués plus haut, 300, 350 livres, deviendront l'exception, comme nous allons voir. Un siècle environ après l'arrêt de 1671, le 31 décembre 1768, les États de Bretagne, jugeant l'apprentissage et l'encouragement du tir inutiles, demandèrent la suppression des papegauts et l'emploi de leurs deniers à l'entretien des hôpitaux en état de retirer, nourrir et élever les enfants trouvés. À ce moment, 43 villes faisaient tirer aux papegauts. Plusieurs protestèrent contre la suppression projetée, notamment Saint-Malo, mais d'autres parurent renoncer au jeu dans l'intérêt de leurs hôpitaux. Un arrêt du Conseil du 7 mai 1770 supprima les papegauts, sauf pourtant celui de Saint-Malo et peut-être ceux de Groix et de La Roche-Bernard, que nous voyons existants encore en 1776. Nous avons vu plus haut les fermiers des devoirs acquérant pour un prix vil à 300 et 350 livres des exemptions valant beaucoup plus. Leur rapacité ne se contente pas de ce premier succès, et 100 ans après, les fermiers paient moins cher des exemptions qui valent plus qu'après l'arrêt de 1671. Elles valent plus parce que les droits exemptés sont augmentés des 2 sous par livre créés en 1705. Voici les divers prix que je relève en 1770. Les abatteurs reçoivent 800 livres, Saint-Malo, 400 livres, Nantes et Rennes, 300, 240, 200, 180, 150, 130, 120, 90, 75, 70, 63, 60. 2 abatteurs à Guérande et Piriac ne reçoivent rien. L'abatteur de Lesnevin est réduit d'année en année, 240, 200, 180. Le papegaut de Malétroit est évalué à 83 livres, moitié pour l'hôpital, moitié pour l'abatteur, soit 41 livres 10 sols à chacun. On compte 6 livres à celui qui abat la tête de l'oiseau, 6 livres à celui qui a le blanc, 2 livres au greffier, 4 livres au tambour. Reste au roi 23 livres 10 sous. L'abatteur de Concarneau est mieux traité. Voici une lettre écrite le 6 juillet 1770 par le subdélégué de l'intendance. On tire le papegaut en cette ville chaque année au mois de mai, autorisé par lettre patente de 1557, par lesquelles l'abatteur devait jouir de la liberté de vendre et débiter quittes et francs de toute tribu, de droits d'impôts et billots, entrée de port et havre, et autres subsides et impositions quelconques, 30 tonneaux de vin de telle crue que bon lui semblerait, pendant 1 an. Mais bien s'en faut qu'il retire cet avantage depuis plusieurs années, causé, prétend-on, par diverses difficultés que font les fermiers des devoirs. Depuis plusieurs années, l'abatteur s'accommode avec eux et en a retiré l'un 300 livres, les autres 340, jusqu'à 350, attribution bien au-dessous du véritable droit, c'est-à-dire 606, 686, 707 francs de nos jours. Quelle était donc la valeur du véritable droit auquel le subdélégué fait allusion sans nous le faire connaître? Les archives de Quimper vont encore nous renseigner. Nous avons vu plus haut que les droits du papegaut sur 15 tonneaux pouvaient être évalués, d'après l'arrêt de 1671, environ 1900 francs de notre monnaie. Depuis, ils furent quelque peu augmentés par l'exemption des 2 sous pour livre après 1705. À la suppression, les droits de Quimper, 15 tonneaux, furent unis à ceux de Pinmar, 10 tonneaux. Soit en tout l'exemption sur 25 tonneaux que Quimper estimait en 1594 600 livres ou 3169 francs actuels. Ces droits réunis furent attribués à l'hospice de Quimper. Ils sont compris au compte de l'hospice pour la somme de 1200 livres, environ 2400 francs de notre monnaie. Dans cette somme, Pinmar figure pour 2/5 et Quimper pour 3/5, soit 480 livres pour Pinmar, 720 pour Quimper. Telle devait être à peu près la valeur du véritable droit à Concarneau. On voit que la plainte du subdélégué est trop fondée. À propos de la suppression des papegauds, rappelons un fait qui montrera avec quelle insouciance étaient gardées les archives municipales. En novembre 1770, le maire de Concarneau, député aux États, demande copie des lettres établissant le papegaud. Il a besoin de cette pièce pour que les droits de l'abatteur soient régulièrement transportés à l'hôpital. La communauté s'assemble et nomme deux commissaires pour faire la perquisition des lettres. Les commissaires descendent aux archives et ne trouvent rien. Mais ils ont appris que les lettres peuvent être aux mains de tierces personnes. La communauté charge les commissaires de toutes les perquisitions à cet égard et d'en faire un rapport. Les commissaires, Dupont, Baudelio et Morino, rapportent non l'original des lettres du 7 septembre 1557, mais une copie authentique tirée le 6 octobre 1669. Maître Billette et Caradec, notaires royaux, qui leur a été remise par l'héritier d'un ancien maire. Un dernier mot sur le règlement du papegaud. La religion chrétienne avait mis son empreinte sur toutes nos institutions. Les règlements du jeu de papegaud avaient un caractère non seulement moral mais religieux. Des pénalités sont portées contre les arquebusiers querelleurs, ivrognes, blasphémateurs. Ceux-ci peuvent même être dégradés de leurs armes. Il va sans dire que les archers ou chevaliers du jeu forment une compagnie que le roi commande. À la procession de la fête-dieu, célébrée au mois de juin, le roi paraissait dans l'éclat de sa dignité nouvelle, à la tête de la compagnie marchant en bataille pour assister le Saint-Sacrement que les chevaliers ont promis et juré de conserver et défendre au péril de leur vie. Commandement est fait expressément à tout chevalier d'avoir devant les yeux l'honneur de Dieu en recommandation et qu'ils se déporteront, s'abstiendront de paraître, à la butte le dimanche des rameaux, le vendredi saint, Pâques, Pentecôte, Toussaint et Noël, lesquelles fêtes sont prohibées et défendues du dit exercice, ainsi, mais employées au service de Dieu. Cet article du règlement de Rennes montre en quel esprit ce règlement a été conçu, et les citations que nous avons faites d'autres règlements témoignent que cet esprit n'inspirait pas seulement les archers de Rennes. Je crois à propos de donner ici la liste de 19 des derniers abatteurs du papegaud à partir de 1742 jusqu'au dernier tir en 1770. Cette liste peut intéresser les Concarnois portant aujourd'hui les noms qui vont suivre. 1742, Robert Melvin Le Billon. 1743, Robert Melvin. 1744, François Bolloré. 1745, Jean Le Bouédec, matelot. 1746, Robert Melvin. 1748, Jean Saillon. 1749, François Michel Boucher. 1750, René Brisson. 1751, Jean-Pierre Brisson. 1757, Le Nadan. 1760, Nicolas Kéralin, matelot. 1761, François Michel. 1762, Philippe-Louis Cornillot, procureur. 1763, François Michel. 1764, Yves Dauzon. 1766, François Michel. 1767, Julien Kérével. 1769, François Leraz. 1770, François Broustel. Sur cette liste, j'ai souligné deux noms, ceux de Robert Melvin et de François Michel, qui seuls ont été trois fois rois. Ils n'ont pas obtenu la noblesse selon la fantaisie imaginée au XIXe siècle, mais leurs descendants, s'ils existent encore, peuvent se féliciter d'avoir eu des ancêtres qui, mieux que tous autres, ont mérité leur titre de roi du papegaud.